Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Française de nationalité, mais indonésienne d'adoption, Elisabeth Inandiak est arrivée il y a 25 ans en Indonésie et s'est distinguée par ses actions à la fois héroïques, en aidant les Timorais lors des troubles politiques de 1999, mais aussi littéraires en réadaptant le chef-d'œuvre de la littérature javanaise, Santini. Elisabeth s'est aussi impliquée dans des causes humanitaires, en soutenant la communauté de Yogyakarta, après l'éruption du volcan Merapti en 2010. Elisabeth, j'aimerais m'intéresser un peu à toi, apprendre à te connaître, te découvrir et savoir qu'est-ce qui t'a amené ici, il y a déjà 25 ans, en Indonésie. Comment est-ce qu'on en vient à s'expatrier, à quitter la France? Donc on va vraiment faire un saut dans le temps et revenir un petit peu à toi, ton parcours, et ce qui t'a amené pour la première fois à quitter le territoire. Je suis en fait écrivain et grand reporter depuis l'âge de 18 ans. J'ai travaillé beaucoup dans l'équipe, dans la fondation même de Actuel, sous le nom de Elisabeth D. Et donc, à 18 ans, j'ai déjà sillonné le monde. Et un jour, je me suis dit que je m'arrêterais quelque part, sans doute, parce que je ne me sentais pas vraiment à ma place à Paris, malgré le succès de ce magazine. Et un jour, un reportage pour Actuel m'a envoyé en Indonésie, qui était un lieu qui n'existait pas dans mon imaginaire, un pays qui n'existait pas du tout. Autant je rêvais du Japon, Java, ça ne me disait rien, et c'était pour écrire sur l'islam face à la mystique javanaise. C'était un de ces sujets complètement fous qu'on partait explorer pour Actuel. Ce sont des choses qu'on ne fait plus du tout maintenant dans la presse. Et donc, dès que je suis arrivée, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et mon reportage se terminait par cette phrase « Je crois bien que Java m'a jeté un charme ». C'était en 1989. Et donc, je suis revenue l'année suivante, puis revenue. Et puis voilà, quelques 2-3 ans après, je me suis mariée à un Indonésien. J'ai eu une fille qui a aujourd'hui 25 ans, qui est mariée à un Indonésien, qui est une rockstar indonésienne, Eros Chandra, du groupe Sheila Seven, et ils ont un petit garçon qui est lui-même indonésien. Voilà, et ils habitent à côté de chez moi, à Yogyakarta, et on fait beaucoup de choses ensemble. Moi, par ailleurs, pendant des années, j'ai cherché à comprendre pourquoi je me suis retrouvée dans ce pays, pourquoi c'est dans ce pays que je me suis arrêtée, plus particulièrement à Yogyakarta, parce que c'est un endroit quand même très particulier en Indonésie. Et au fil des années, je crois avoir compris que j'avais une sorte de rôle, comment dire, en tant qu'écrivain du moins, de chaman. C'est-à-dire que comme je fais partie de cette terre, dans le sens où j'ai accouché ici et le placenta de ma fille, comme c'est la tradition, a été enterré dans la terre de Java, j'appartiens à la terre de Java, mais je ne suis pas ni javanaise ni indonésienne et je ne fais rien pour le devenir dans mon comportement. Je ne joue pas du gamelan, je ne fais pas de danse javanaise. Voilà. Mais simplement, effectivement, j'ai accès à des histoires qui sont cachées et qu'on me montre ou que je vois. Et du coup, je les raconte. Et enfin, on me demande de les raconter. Donc, j'ai été dans plusieurs histoires comme ça, dont la grande épopée javanaise, qui était le chef-d'œuvre de la littérature javanaise, qui était une grande épopée érotique et spirituelle, qui a été écrite au début du 19e siècle, mais à partir de textes beaucoup plus anciens, qui fait 4000 pages, écrite en vers, chantée, mais qui n'était plus lue par personne ou pratiquement personne, parce qu'elle est écrite dans une langue, le javanais, qui a été abandonnée à l'indépendance au profit de l'indonésien. Et donc j'ai travaillé pendant des années avec une experte en javanais pour traduire de façon littéral l'œuvre et après la recomposer complètement à neuf en français, puis en indonésien, la restituer à l'Indonésie aussi, mais en indonésien, et c'est devenu un succès en Indonésie. Et je l'ai mise en scène aussi, parce que c'était une œuvre qui était chantée, dansée, donc j'ai travaillé et je travaille encore avec des artistes indonésiens pour la faire connaître. Voilà. Et puis j'ai écrit d'autres histoires, en particulier sur le volcan, les mythes du volcan Merapi. J'ai été la fille adoptive du gardien du volcan qui est mort dans l'éruption en 2010. Donc, Il y a beaucoup de choses à raconter. Je vais quand même revenir au début. À 18 ans, tu avais déjà fait le tour du monde. Tu disais à 18 ans, tu avais déjà pas mal voyagé. À 16 ans, j'ai quitté ma famille. Je suis allée étudier en Allemagne. J'ai fait le lycée en Allemagne. J'étais dans une classe bilingue en France. Et puis après, je suis partie aux États-Unis en auditeur libre à Boston. Et je suis revenue passer mon bac en candidat libre en France. Donc, j'ai eu la mention très bien. J'ai été reçue à Sciences Po Paris sans faire de classe préparatoire. Mais au bout de 3 mois, j'ai complètement disjoncté. Je ne me sentais absolument pas à ma place dans ce monde. Je rêvais de faire de la diplomatie, de réconcilier le monde. Mais voilà, donc je me suis retrouvée à errer dans les clubs de rock. Mon frère était le batteur de Star Shooter, si ça vous dit quelque chose. Et donc j'étais avec Higelin, avec Téléphone. Je connaissais toute la scène punk rock française. J'avais accès à tout. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé à écrire et je faisais des photos aussi que je développais dans mon minuscule studio. Et c'est comme ça que j'écrivais dans Libération, entre autres. Et c'est comme ça que Actuel, magazine Actuel, qui voulait relancer l'Actuel des années 80, lisait mes articles qui étaient très étranges parce que je n'étais absolument pas une critique rock. J'étais une sorte d'extraterrestre qui écrivait sur la musique. Et j'ai été engagée dans leur équipe pour inventer ce journal. Donc ça a été une aventure extraordinaire. Donc effectivement, j'avais des 17 ans et demi, 18 ans, ils m'ont envoyé je parlais un peu russe, donc j'allais souvent dans les reportages en Union soviétique à l'époque. C'était difficile. Enfin, j'allais toujours dans des endroits très difficiles. En 1981, on m'a envoyé voir ce qu'étaient devenus les enfants des Black Panthers, de Martin Luther King, etc., de Malcolm X. Et j'ai découvert ce qui s'appelait à l'époque le rap. Et j'ai écrit en 1980 un article qui s'appelait « Bonsoir, voici le rap ». « Bonsoir le rock, voici le rap ». Et voilà, et depuis, etc., etc. Je faisais des choses, on explorait comme ça. Donc effectivement, j'avais beaucoup voyagé. Tous les mois, je partais. Mais tu partais pour écrire, c'est pas le voyage qui t'a amené vers l'écriture. Tu écrivais avant de partir et c'est ça qui t'a permis de parcourir différents pays. C'est-à-dire que quand même, à 16 ans, je suis partie. Pas en voyage, parce que l'idée de voyage pour voyager, ça m'est totalement étranger. C'était... pour étudier, pour aller vivre autre chose dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne. Mais mon premier reportage, je l'ai fait pour le monde de la musique. Je suis partie en stop à Hambourg pour écrire sur le rock allemand, je me souviens. Donc je devais avoir... Voilà, donc je n'avais pas d'argent. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse à Hambourg. Enfin, c'était sous une pluie battante. Mais le monde de la musique m'a pris mon reportage. Enfin, c'était incroyable. Voilà, donc... Donc non, j'ai jamais voyagé pour voyager. C'est toujours j'aime écrire et donc mes voyages, je partais pour explorer et puis forcément j'écrivais dessus, quoi, voilà. Et comment est-ce qu'au début tu as réussi à trouver tes diffuseurs ? Donc tu parles d'Actuel, tu parlais de Libération, donc le réseau s'est créé petit à petit tout seul. Oui, parce que c'est venu. J'étais très jeune, j'amusais beaucoup. Je pense la scène des journalistes parisiens. Qui était pas du tout. Moi, j'étais pas du tout parisienne. J'étais lyonnaise. J'avais vécu à l'étranger. J'étais pas du tout dans leur monde. Je connaissais pas leur vocabulaire. Ils utilisaient tous le mot parano. C'était quand même à l'époque quand même de la gauche très militante la fin des années 70. Tous prenaient de la drogue. Moi, je fumais rien. Donc, j'étais complètement décalée et en même temps complètement avec eux. C'est ça qui a fait une sorte de. Ouais, c'était assez étonnant. On s'est très très bien entendus. Aussi bien avec les gens de Libération, mais encore plus avec ceux d'Actuel, qui étaient moins gauchistes et étaient plus beatniks, disons. Donc c'était plus ma sensibilité. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de vivre à l'étranger et pas de te fixer en France ? Écoute... comme je dis, c'est Java qui m'a jeté un charme. Je pensais qu'un jour je resterais quelque part, parce qu'à Paris, malgré le succès, j'étais une jeune journaliste un peu adulée, parce qu'Actuel, c'était le grand, grand succès. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais si vous cherchez dans les archives, vous verrez. La deuxième couverture d'Actuel, c'était Nina Hagen. Et c'est moi qui avais écrit l'article, je parlais allemand, je la connaissais avant qu'elle devienne, ça vous dit plus rien, Nina Hagen, mais enfin bon, c'était l'époque du mur de Berlin, etc. Voilà, donc tous ces milieux très, très alternatifs. Donc, mais j'étais pas à ma place, quoi. Je sentais que c'était pas mon monde et qu'un jour je resterais quelque part. Et je dis que c'est Java qui m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi d'être là. Et il m'a fallu effectivement beaucoup d'années pour comprendre, parce que c'est surpeuplé, il fait chaud, il y a du monde, c'est compliqué. À l'époque, en plus, je suis arrivée, c'était encore la dictature. Donc, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était très figé. Ça n'a rien à voir, on ne peut pas imaginer. Et puis, c'était beaucoup moins développé. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas d'hôtel, pratiquement 2-3 hôtels, il n'y avait pas d'Internet. Donc, on était vraiment dans un autre monde. Hein. C'était très particulier. Donc, il fallait vraiment en vouloir pour rester ici à cette époque-là. Oui, je me demande, et puis j'ai eu des épreuves énormes, j'ai failli mourir plusieurs fois sur le volcan, dans la mer, alors que je suis une ex-championne de natation, mais la mer est très dangereuse ici. J'ai eu énormément d'épreuves, et je pense que c'est les épreuves pour après appartenir à cette terre, quoi. Si on résiste, soit on est chassé, soit on traverse, et après on n'a que les cadeaux. Et à partir de quelques années d'épreuves, j'ai eu que les cadeaux, même si ça a continué, mais c'est plus pareil. Après, il y a eu les tremblements de terre, ma fille a été blessée assez gravement dans le tremblement de terre, l'éruption volcanique, la révolution avec la chute de Suharto, où on a été pris aussi dans des troubles, mais c'est pas pareil, je vivais ça de façon totalement active, impliquée. Dans le tremblement de terre, je me suis occupée de la reconstruction d'un village dans le sud. Après le Merapi, comme j'étais la fille adoptive du gardien du volcan qui est mort, je me suis beaucoup occupée des villageois du Kinarjo, le village. Comment est-ce qu'on devient la fille adoptive d'un gardien d'un volcan ? C'est-à-dire que j'avais écrit un conte qui s'appelait l'arbre éléphant, parce que quand je passais devant des banyans, je trouvais qu'ils ressemblaient à des éléphants. Donc j'ai suivi le fil, c'était à la moment de la naissance de ma fille en 91. Je me souviens très bien, je l'avais sur mon ventre, dans un kangourou, et j'écrivais l'histoire. Et cette histoire, je l'ai mise dans un tiroir, c'était un conte qui faisait quoi, une trentaine de pages. Et puis, quelques années après, en 1994, il y a eu une éruption sur le Merapi. Et deux mois après, il y a eu la cérémonie des offrandes qui est annuelle. Je n'avais jamais assisté. Et cette fois, je me suis dit, il faut que j'y aille. Parce que quand même, cette éruption, il y avait eu des morts, une nuit ardente qui a brûlé une soixantaine de personnes. Et donc, j'ai fait la connaissance du gardien du volcan. Mais il ne s'intéressait pas plus que ça à moi. Mais j'y allais régulièrement le voir avec une amie qui est du palais de Yogyakarta, du Kraton. Et un jour, il nous dit, je ne sais pas pourquoi, je vais vous montrer deux sites sacrés qui risquent d'être démolis parce qu'ils vont construire un parking. Donc j'ai demandé qu'ils soient protégés. Et on va à 500 mètres de sa maison et là, on tombe sur une pierre éléphant et dans l'axe, à 50 mètres plus haut, un banyan blanc. Et il n'y a pas de banyan qui pousse sur le volcan. Bon, il me raconte l'histoire et moi, je suis saisie parce que ça ressemble totalement à mon conte. Donc je décide, je lui dis, il s'en fiche complètement, ça ne l'étonne pas, ça ne l'intéresse pas. Mais moi, évidemment, je reviens et je commence à enregistrer ses rêves, etc. Et je décide de publier le livre dédié au gardien du volcan avec les dessins en noir et blanc d'un très ami qui est un des plus grands peintres indonésiens aujourd'hui qui s'appelle Eri Dono, qui a d'ailleurs fait la couverture du livre de Centini aussi. Eri Dono. Et ce livre est publié par hasard, pouf, au moment de la chute de Suharto, de la dictature, dont le symbole était le banyan jaune. Et donc aussitôt, un des plus grands écrivains indonésiens, Sindhunata, fait la préface du livre, il rajoute au dernier moment une préface pour dire c'est un signe. Ce livre est publié au moment où chute le banyan jaune et renaît le banyan blanc, le banyan qui appartient au peuple. Donc ce livre est devenu une espèce de mythe en Indonésie. Et le gardien du volcan qui d'abord a refusé de recevoir ce livre parce que je lui avais apporté des exemplaires pour qu'il les vende dans son village et qu'il garde l'argent pour, m'a traité presque de marchand du temple, qu'on ne vendait rien dans ce village, j'ai eu honte. Mais quelques jours après, il m'a envoyé un de ses enfants chez moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc on descendait même à pied, il y avait un des segments sans route, pour m'apporter une lettre d'amour, d'adoption, pour me dire « reviens ». Donc je suis remontée. Et à partir de là, voilà, c'est comme ça que notre relation a commencé et voilà, jusqu'à sa mort en 2010. Le volcan, là, on ne le voit pas, mais normalement, il est là. On est en fait déjà sur les pentes ici, enfin, à Yogyakarta aussi. Hein, les pentes, elles commencent au bord de la mer, puisque le sable est noir, c'est le sable volcanique, et on remonte lentement jusqu'à 3000 mètres au nord. Et tu as assisté à l'éruption de ce volcan en 94, tu disais, c'est ça? En 94, j'ai pas vu grand-chose. C'était des nuées ardentes qui sont dirigées sur un village. Mais en 2010, il y a eu plusieurs éruptions entre-temps, mais la plus violente, c'était celle de 2010 où effectivement j'étais là et ça a été quelque chose d'assez dramatique. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan qui rentre en éruption? Parce que moi, ça fait travailler l'imaginaire. Donc c'est quoi? C'est des nuées de fumée noire qui partent dans le ciel? Ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un volcan qui érupte? Mais d'abord, il y a plusieurs types de volcans. Celui-là, le Merapi, il est explosif. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Il y a à la fois, là, on imagine toujours de la lave qui coule bien gentiment et qui va envahir des villages. Mais en plus de cette lave, ça s'appelle les coulées pyroclastiques. C'est un mélange de boue brûlante, de pierres qui contiennent du gaz sous pression, de lave, incroyable, et qui dévale à une vitesse à 500 km/h, et qui donc, les pierres en explosant, en se brisant, dégagent des gaz et des fumées, qui sont ces nuées ardentes, qui, elles, suivent le vent. Donc il y a deux phénomènes, il y a la trajectoire de la coulée pyroclastique, et puis il y a les nuées ardentes qui peuvent prendre. Donc c'est absolument, donc ça fait comme un champignon atomique qui cache, en fait, on ne voit pas la coulée qui brûle tout sur son passage, qui emporte tout. Voilà, donc, mais en fait, en 2010, c'est une éruption qui a été extrêmement bien prévue, mais qui est arrivée très vite. C'est-à-dire que d'habitude, quand le centre de vulcanologie annonce l'état d'urgence l'alarme la supérieure, les villageois ont l'habitude qu'il y a plusieurs semaines avant qu'il y ait la grande éruption. Il n'empêche que quand même, la majorité sont partis, sont restés juste une trentaine de personnes, dont le gardien du volcan qui refusait de partir pour des raisons compliquées. Mais ils ont su anticiper cette éruption. Bien sûr, ils ont été excellents, là, les centres de vulcanologie. Mais le lendemain, il y a eu la grande éruption. Mais pas la grande éruption, il y a eu ça s'appelle en anglais « direct blast ». C'est un souffle, c'est-à-dire que c'est comme une cocominute qui explose, il n'y a que le gaz qui sort. Et ça a soufflé le village de Kinarjo, donc le village sacré des offrandes. Mais ça n'a pas déposé de matériaux volcaniques. C'est pour ça que c'est très étrange. Mais ça a quand même brûlé les gens qui étaient sur place. Mais de l'intérieur, ils étaient presque intacts. Leur corps était intact. Mais c'était donc sûr qu'à l'intérieur, les matériaux étaient encore là. Donc, il allait y avoir une méga éruption. Et ça n'a pas tardé, 10 jours après. Le centre de vulcanologie n'arrêtait pas d'élargir le cercle pour évacuer. De 5 km, on est passé à 6, à 7, à 10. Donc les réfugiés reculaient de plus en plus, approchaient de la ville, changeaient sans arrêt de camp, jusqu'à ce qu'ils annoncent 20 km. 20 km, c'était trop cher. Parce qu'évacuer 20, il faut s'imaginer que c'est les terres les plus peuplées du monde, les campagnes les plus peuplées du monde. Donc 20 km, c'est évacuer 5 millions de personnes, ou je ne sais pas, enfin, c'est considérable. Donc ils ont ramené dans l'après-midi à 15 km et à minuit, l'éruption est allée jusqu'à 17 km. Mais ça a tué très peu de personnes. Tout le monde a été parti, quoi. Pratiquement, il y a eu 300 personnes de mort, ce qui est très, très peu. Quand on sait qu'une éruption du même ordre, de la même force, un siècle et demi plus tôt, dans les siècles précédents, où le volcan était 200 fois moins peuplé, ou même 1000 fois moins peuplé, faisait 8000 morts. Donc ça a été extraordinairement bien géré. Et après, les réfugiés, il y avait 400 000 réfugiés dans des camps. Plus moi, j'étais aussi réfugiée. Cette maison, elle était envahie par les cendres. C'était invivable, ce n'était pas possible. Donc j'étais chez une amie dans le sud. On était tous... Bon, moi, j'allais tout le temps sur le volcan pour aider le village, mais qui était dans des camps de réfugiés par ici, pas loin d'ici. Et on vivait sous des cendres avec des masques. Voilà, là, tout était noir, tout était recouvert de suie. C'est pas noir, c'est blanc. C'est comme de la neige. C'est assez étonnant. Ouais. C'est très beau. D'ailleurs, c'est très fin, sauf que c'est très toxique. Ça s'infiltre en plus dans les voies respiratoires, dans les circuits électroniques. Donc, ça fait tout péter, ça mange tout, ça détruit tout. Parce qu'il y a des petits cristaux très, très fins dedans, les cendres volcaniques. C'est pas comme des cendres de feu normaux. parce qu'il y a ces minérales. J'en reviens au gardien du volcan. Comment est-ce que lui-même est devenu gardien? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération? Quel est le lien entre le gardien et le volcan? C'est le sultan de Yogyakarta, donc il y a un sultan encore, qui nomme les gardiens des sites sacrés. Donc il y a deux sites sacrés principaux, celui qui est au bord de l'océan Indien et au sud de la ville, et le volcan au nord, qui sont un peu le feu et l'eau, qui sont les deux énergies comme ça puissantes. Et puis la troisième énergie, ce sont les passions humaines qui sont... au centre, dans le palais, etc. Et tout ça doit être toujours dans un équilibre. Donc il y a des offrandes, des cérémonies, etc. Et bien que le sultan soit musulman, on est toujours dans des traditions extrêmement anciennes. Je dirais, j'aime pas le mot animiste, je dirais plutôt tellurique. Enfin, voilà. Et on vit complètement avec ces... C'est pas des croyances, c'est une réalité. Quand vous avez déjà vécu un tremblement de terre, que vous savez que ça vient de la mer, qu'il y a des volcans sous l'eau, des plaques tectoniques, ça bouge tout le temps. Vous approchez de la mer, il y a des vagues, un courant très puissant qui surgit. En fait, il y a sans arrêt des mini-tsunamis au bord de l'océan, dans le sud. Sans arrêt, ça bouge. Sans arrêt, on sait tout va être détruit du jour au lendemain et qu'on va reconstruire et qu'en 6 mois, la végétation va repousser, qu'on aura oublié, qu'on recommence et que tout est à nouveau fertilisé. C'est extraordinaire, c'est pas des croyances. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc on va revenir un petit peu sur ton parcours ici. Donc 25 ans d'Indonésie, tu arrives ici, tu choisis de te marier, de fonder ta famille ici. Et comment est-ce que tu continues à garder le lien avec la France, donc tout en étant... Tu es reporter en fait, c'est ça qui te fait vivre ton modèle économique. Pendant les 25 dernières années, c'est vraiment le côté journalistique et écrivain. Voilà, je fais... régulièrement, je faisais régulièrement des articles, maintenant de moins en moins, mais je suis la correspondante pour Courrier International, donc je traduis les articles, je les sélectionne, je les traduis, et puis de temps en temps je fais des articles pour Géo maintenant, quand ils me le demandent, maintenant je passe beaucoup plus mon temps à m'occuper des communautés villageoises, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc sans, à titre individuel, enfin avec des réseaux d'amis indonésiens, mais pas à travers une ONG. Ou... Mais économiquement, comment est-ce que tu arrives à vivre ici? Donc juste avec Courrier International et la presse? Jusqu'à présent, oui. Maintenant, ça baisse un peu, mais bon. Que j'essaie de comparer toujours avec le modèle français. Et puis en France, il y a des systèmes d'aide, il y a des systèmes de chômage, de sécurité sociale, quand on fait le pas de l'expatriation, comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu fais pour, le système de santé, le système de... Moi, comme je suis salarié, enfin, même pigiste, je suis salarié, donc j'ai la sécurité sociale française, mais il faut savoir que maintenant ça a changé, c'est 6 mois à l'étranger, mais avant c'était 3 mois, plus de 3 mois, on n'était plus remboursé. Donc par exemple, quand j'ai accouché, on m'a dit que ça ne me serait pas remboursé parce qu'il aurait fallu que je rentre en France. Quand ma fille a été quand j'ai eu la dengue au moment au moment 98, au moment de la chute de Suharto, c'était la pagaille, j'ai eu la dengue, j'ai failli mourir, j'avais plus de plaquettes, etc. Et il a fallu que je sois emmenée d'urgence à Singapour parce qu'ici ils n'ont pas mon groupe sanguin qui est rhésus négatif, très rare chez les Asiatiques. Et la sécurité sociale n'a pas voulu me rembourser. Enfin, voilà. Donc, ce n'était pas facile, parce qu'on ne rentre pas dans la case normale. Mais enfin, en gros, je suis quand même... comme j'ai encore un petit peu de revenus français, maintenant, je suis encore tout à fait... et à la fois, je paye mes impôts en France. Quand j'en paye, c'est quand mes revenus m'imposent. Et puis, la sécurité sociale. Donc... mais c'est vrai que maintenant j'ai réduit mon niveau de vie parce que en fait l'argent que je dépense c'est pour faire des projets avec les communautés. Donc par exemple à midi j'ai mangé ce qu'on appelle du manioc que m'a donné mon voisin. Là le voisin il fait aussi des rizières bio au milieu des autres qui m'envoient des pesticides partout. On est deux héroïquement à essayer de arrêter tout ça. Donc, il m'a donné ce qu'on appelle du sinkong, ici c'est des maniocs. Et puis, j'ai pris des feuilles de manioc qu'on peut manger, des fleurs de papaye. Les papayes mâles, ils ont des fleurs, ils ne donnent pas de fruits, ce qui sont assez amers. Et puis, une autre plante qui est la marigold, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est une plante qui sert de peste, qui rejette les... qui repousse les parasites pour les cultures, les légumes surtout, et qui fait des belles fleurs. Mais les herbes, les feuilles, on peut les manger. En fait, ici, on apprend à manger beaucoup de feuilles. Et donc, je les fais cuire comme ça. Et ça a été mon repas avec un peu de tofu. Et finalement, parce que comme je n'avais pas le temps de sortir, j'ai cueilli ce que j'avais dans le jardin, presque dans la forêt, et on s'aperçoit que voilà, on peut vivre et pas grand-chose. Tu disais le mot organique, biologique, hein, donc ça c'est quelque chose aussi qui a le vent en poupe ici en Indonésie. Les gens sont dans cette dynamique d'essayer de se convertir en mode bio et produire du bio pour développer le côté organique. C'est quelque chose qui se fait comme en France ? Ah oui, mais même plus, puisque j'ai fait un reportage justement pour Géo il y a un an presque, sur le riz, et j'ai rencontré le chef du syndicat, le plus grand syndicat de paysans, d'agriculteurs indonésiens. Il y a à peu près 700 000, 800 000 membres. Et eux, leur syndicat, se battent pour le bio. À ma connaissance, les syndicats d'agriculteurs français ne se battent pas pour le bio. Voilà. Donc ils ont des trucs de formation, ils font des rizières bio. Donc c'est voilà, je pense qu'il y a une... Parce qu'il y a eu la révolution verte dans les années 70, 80, 90, avec la dictature, qui a apporté d'abord ses fruits, puisqu'ils ont une année, dans les années 80, ils ont pu être exportateurs de riz pour la première fois, mais très rapidement, ça a tout redégringolé. Et maintenant, après la chute de la dictature, parce que pendant la dictature, il était interdit de planter des semences locales, on passait pour être communiste, on devait absolument utiliser les packages que vendaient... Les cartels agroalimentaires tenus par les militaires ou les enfants du dictateur, d'engrais, de pesticides et de semences. Et les paysans, au début, ont vu leurs semences, leur récolte augmenter, mais bon, rapidement, on connaît le processus. Donc, après la chute de la dictature, il y a tous ces mouvements qui se sont développés. Et donc, il y a à la fois ces grands mouvements de paysans, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes. Moi, je suis tout le temps dans un réseau de jeunes. Là, j'essaye de planter des légumes chez moi, pas pour moi, mais pour essayer qu'il y ait une contagion autour, et puis de créer des réseaux, et peut-être de faire un petit centre pour les enfants. Enfin, on va voir ce que ça devient quand j'aurai réussi. Et je suis en contact avec des tas de jeunes formidables qui font des gens brillants, qui ont fait des études d'agronomie, qui ont été soit dans des grandes ONG ou qui sont conseillers dans des grandes entreprises, mais qui lâchent tout pour vivre simplement et s'occuper du bio avec les villageois, avec les communautés villageoises. Alors, il y a le côté bio bobo et cher, qui est très à la mode aussi, mais il y a aussi tous ceux, et c'est plutôt de ce côté-là que je suis, pour essayer, avec les communautés villageoises, c'est parce que c'est pas simplement le bio, il y a des problèmes d'eau énormes. On est sous les tropiques, mais là, en octobre, quand je suis rentrée de France, les puits autour de moi, ils étaient à sec. Moi, j'avais encore de l'eau. Donc là, je suis en train de creuser avec une amie architecte indonésienne. On va faire des puits de réserve d'eau avec un système de récupération d'eau de la pluie. Moi, j'en ai assez, mais en espérant que ça devienne un modèle. Donc, même si c'est un peu coûteux, le gouvernement pourrait financer ça. Ils ont l'argent. Le gouvernement est riche ici. Enfin, l'État est riche. Il y a de l'argent, il y a des crédits, il y a énormément d'argent. Pour les villages et tout, ils peuvent se payer des citernes, des réserves d'eau. Donc c'est aberrant, parce que bon, là, il y a des hôtels, on ne sait pas trop, là, il y a une multitude de causes. Il y a la prolifération d'hôtels, d'immeubles qui pompent dans la nappe phréatique. Il y a, bien sûr, le réchauffement planétaire. Mais il y a aussi tout le sable qui a été pris suite à l'éruption volcanique. Ils ont tout, c'était des colonnes entières de sable et de bulldozers qui ont tout creusé les rivières volcaniques, de sable, et qui ont cassé tous les réseaux. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de ce côté-là. Et puis les rizières, il y en a une petite en bas de chez moi, qui sont des poubelles. Donc c'est encore un autre combat à mener. Donc j'ai commencé moi, on est deux pour l'instant avec mon voisin, mais il y a un très grand réseau qui s'appelle River Project à Yogyakarta. Donc ici en Indonésie, on se met en réseau quoi. On est des communautés, ça s'appelle les communitas. Et tout le monde et ces communautés se mettent en réseau comme une immense toile d'araignée. Et en plus avec Twitter, Facebook, que j'utilise pas du tout, mais enfin les autres les utilisent. Donc finalement, je suis en contact avec tout ça. On arrive à fonctionner, à pas être tout seul, à faire des choses sans l'État, parce que l'État est souvent plus un obstacle qu'autre chose, mais parfois, et bon, l'État fait aussi des bonnes choses, ça dépend, mais bon, on n'attend pas que l'État nous vienne en aide, quoi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.